Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. David Ferron viendra partager un groupe de pièces musicales francophones avec la langue dans ton oreille. François Landry nous parlera de politique dans son segment Logocratie 101 et Joanie Gagnon nous fera un compte rendu des sorties à faire dans Alors on sort. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 19 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Tu bois de l'eau et là, c'est littéralement Charbonneau. Charbonneau, oui. C'est papillonneau, en fait. Ah, OK. Il y a un petit papillon dessus. Je suis en train de coller des coccinelles sur ta tasse. J'ai été obligé de le faire. Pourquoi? Parce que hier, c'était l'inauguration du pavillon de la vie étudiante, le pavé. Et puis en soirée, ben dans le fond, les gens étaient invités à faire des petits kiosques et tout et tout. Et comme on s'occupait de la musique, ben je suis resté un petit peu. Et puis là, je pense que c'est les filles de Ergo qui disaient « Ah, il faut décorer ton boc absolument. » Donc je l'ai fait. Ah, ben c'est beau. Oui, mais c'était, donc tout le monde avait des petits bocs colorés. C'est féminin. Et c'est aussi c'est pour t'empêcher de différencier avec nos différents porte-crayons qui sont aussi des bocs. De la G. Oui, exactement. Fait que comme ça, je sais que je peux boire de l'eau, mais jusqu'à temps que j'en trouve un autre. C'est pas du plomb que t'as dans l'aile. Oui, c'est ça. Plomb dans l'aile. Parce que, évidemment, l'eau te coule sur le dos de canard comme un papillon. Comme un papillon d'aile. Oui. Wow! Donc, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Bienvenue à toi. Merci, okay. Mais bienvenue à vous. Ben à vous et à tous et à toutes. Oui. Cher recteur, rectrice, président, directeur général... Monsieur le ministre, distingués invités. C'est ça. Veuillez saluer, accepter, agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués. Les plus sincères. Ouf. Ah. Donc, aujourd'hui à l'émission, à 8h, David Ferron va être là. Cool. Garland, c'est un phénomène de nature, donc un peu comme un papillon, on va se transformer une chenille, se transforme en papillon. David Ferron se transformera peut-être en quelque chose d'autre un jour. Je croise les doigts, ça. À 8h30, François Landry et sa chronique politique, Logocratie, ça. Oui. Je me suis fait bairrer sur celle-là. Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé vraiment bonne. Donc, son sujet d'aujourd'hui, à François Landry, c'est Commission Charbonneau, de petits points, des Hells au PLQ. Très bien. Et puis, à 9h, en fin d'émission, Joanie Gagnon et sa chronique de sortie culturelle, Alors on sort. Alors on sort. Let's go places. Oui, you know. Sinon, en début d'émission, ben, on a une petite demi-heure à nous deux. Oh! Et on se prépare quelque chose. On se fait un petit quelque chose à deux. Oh oui! Oh! Comme un papillon, ça va se battre de l'aile. De l'aile, non. Non? Pas mal la même affaire que tantôt, ça. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé d'autres choses. Ben, j'ai une coccinelle aussi. Ah! Coq! Coccinelle! Puis j'ai un label Lul. Un label. Label. Puisqu'on fait jouer de la musique, un label. Label. C'est cool. Ben, écoute, c'est peut-être un petit peu trop poussé. C'est tiré par les ailes. Oui. C'est bon. Ouais. C'est assez. Ouais. On commence l'émission en musique avec une de mes pièces préférées. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendue. The Brighter Than Gold. Ah oui, ok. The Cat Empire. Comme un chat sans les moustaches. Ça fait que c'est tiré par les moustaches. Faut suivre le rythme. Four steps in the morning. Two steps in the day. Three steps in the evening and the darkness is ablaze and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling. crawling on bare feet in the mud.

Tremblay est comme en Californie, précédé de la pièce Marie Plastique, deux de ses classiques du palmarès francophone. Tremblay, qui est en spectacle mardi soir au Gambrinus. Et évidemment, c'était mon coup de cœur dans Tu manges mon cœur. Puis, mettons que c'était pas mal ça. Moi, les critiques de spectacle, c'est tout à pareil. Là. Il y a eu lieu, il y a joué, on a eu du fun, puis on est parti. C'est pas mal ça, une critique de spectacle. Pour moi, j'ai aucune idée quel mot rajouter de plus. Donc voilà pour Tu manges mon cœur. Et voilà pour cette portion d'assemblage requis. On revient tantôt avec David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Il a encore changé de thème à la dernière minute, fait que je sais pas de quoi il va nous parler. Fait que, en tout cas, une surprise. Bon, est-ce que tu vas nous dire quelque chose, David? Bien non, ça va être plutôt moi, Marie-Pêche, Marie-Melon. Marie-Pêche, Marie-Melon, c'est, oui. C'est ton nom complet, hein, c'est sur ton baptême. Exactement. OK, merci Marie-Pêche, Marie-Melon. On te parle tantôt à toi et à David. Excellent. Oh non, les cauchemars, ça va provoquer ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 8h01, je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau va être de retour dans quelques minutes. Partie des affaires. Encore une fois, business, lui, pendant l'émission, il travaille aussi. T'sais. Il est là pour animer, ça, il est là puis il s'en va porter des affaires. Il revient, il va déménager des trucs. Wow! Dans quelques instants, David Ferron, on l'a dit tantôt, mais avant, David, on écoute une bonne chanson de Summerland. C'est dans le palmarès francophone. Voici Coup de vent au 89.1 FM. C'est fou. C'est moi qui fais du vent. C'est réussi, hein? Summerland. Avec coup de vent. Coup de vent. Coup de vent. Comme quand je suis parti puis je suis revenu. Oui, pareil. Fiou, fiou. Je manquerai pas un bout d'émission. Ben oui, ça ouvre à 8h. La bibliothèque, je savais pas. T'aurais pas pu genre y aller à 8h, mettons? Ben oui, mais c'est ça. Mais il fallait le savoir avant. Ah. Je pensais que ça ouvrait à 6h. Il me semble que les bibliothèques, ça ouvre super tôt d'habitude. C'est vrai. Mais non, ça ouvre à 8h. Non, hey, tu sais qu'ils ont ouvert une bibliothèque sans livres? Ah oui. J'ai vu ça dans un quiz hier. C'est quoi, c'est une bibliothèque musicale? Ouais. Ah! Oh! Oh! Non. Non. Non, c'était... J'avoue, c'était quand même bien passé. C'était bien passé. Sinon, ça aurait pu être genre une bibliothèque de livres. Mais tu sais, à la place, c'est un restaurant. Tu appelles ça la bibliothèque parce que tu vas aller emprunter des livres. C'est bon. Ça a déjà été fait. Mais finalement, c'est juste une bibliothèque numérique. Ouais, je pense que c'est ça. Intéressant. Mais oui. Tout est iPad. Oh yeah! Maintenant, on accueille David Ferron. Oui! Qui est là pour sa chronique « La langue dans ton oreille ». Hey! Fais ça tout ensemble. La langue dans ton oreille. Yeah! Yeah! Yeah! C'est une mission réussie. Oh oui! Yeah. Oh, bravo tout le monde. Donc, la musique. David Ferron, bonjour. Ben bonjour. Ça va? Oui, surtout que je revois Jean-Philippe, tu m'as manqué. Ben, tu viens jamais nous voir au bureau? Ben, j'aimerais ça, mais tes mains m'ont manqué, surtout. Oh. C'est tes mains. Tu sais, la beauté intérieure, je laisse ça à Carina Tardif, qui anime une émission qui s'appelle La vie en mauve à tous les mardis de 18h avec Mylène Martin. Wow! Okay, mais il retient les heures de diffusion et tout ça, quand même. Quand même. Moi, je pense que... de ce bord-là de la table. Moi, je suis sûr qu'il y a un défileur dans ses lunettes. Peut-être. c'est ça, c'est le principal client de Google Glass, c'est David Ferron. Ouais. Il y a la programmation de C'est fou qui joue dans les lunettes. En tout temps. Ben, quand Apple va sortir ses lunettes, ça va sûrement être épileptique avec toutes les couleurs qui ont sorti, ouais. Si c'est un Android, ben ça va tout le temps être en train de planter et laguer. Ouais, pis si c'est un PC, il va toujours avoir des pop-up. Oui. Mise à jour de Java. Mise à jour de Java. Genre, t'as eu une augmentation de myopie, ta myopie a augmenté, donc mise à jour. Mise à jour. Mise à jour, mais MY à jour. Ouais. Myopie à jour. Donc, David, tu nous parles de musique francophone dans la langue dans ton oreille. Ben, comme d'habitude. Comme toujours. Et t'as un thème particulier aujourd'hui que je crois que je t'ai inspiré un peu. Là. Oui, parce que je voyais que Marie Melon est un petit peu dépressive ces temps-ci. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de Marie Melon. C'est pour le mieux. Tantôt, on a entendu quelques bribes de sa part. Hein? Oui, c'est ce qui arrive, c'est que selon, en fait, j'ai enregistré la conversation que j'ai eue avec Marie Melon et voici ce qu'elle me dit dans quelques instants. Bip, bip. Bien, je suis un peu déprimée parce que depuis que Miley Cyrus et Guylaine Gagnon me font de la compétition, la vie est affreuse. Pour le contexte, Marie Melon étant la sœur anciennement siamoise, triplette, de David Ferron, et Gustave, que vous connaissez sûrement, on reviendra pas sur Gustave. Là. Séparé à la naissance. Séparé à la naissance par un docteur diabolique. Ouais. Et Marie Melon a des petites mains après les seins. Voilà. C'est un enfant de la thalidomide. Oui. C'est aussi une bête de foire. Aussi une bête de foire. On peut payer des... C'est pas fin, ça. Elle charge. Et facile, par contre, Marie Melon. Elle charge juste... Elle est facile. Est facile. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas de l'argent que tu échanges avec elle. Non. C'est ça. Arc. Mettez-vous l'image dans la comme ça. Oui. Ah, j'ai quand même des liens tissants. Donc, ça, c'était le contexte. Oui, voilà. C'est fait. Ouais. C'était juste pour ça? Il n'y avait rien d'autre? Ben non, en fait, c'est pour ça que Marie Melon est déprimée parce qu'elle a de la compétition devant elle. En Miley Cyrus et Guylaine Gagnon? Ouais, exactement. C'est laquelle déjà, ce Guylaine Gagnon? C'est la charmante Guylaine Gagnon qui fait des exposés de philosophie de 10 secondes sur YouTube. Ah oui, la vedette de YouTube. Oui, exactement. Donc, qui a fait, qui passe, qui ose donner des conseils de vie sur la vie. Suivez ses conseils, vous allez devenir tarés. Voilà. Alors là, aujourd'hui, pour aider Marie Melon dans sa déprime automnale, parce que l'automne s'en vient bientôt, dans deux jours à peu près, une journée, deux. Ouais, on est quoi, le 19, c'est le 21, je crois? Non. D'habitude, ça change. D'habitude, c'est un 21, ou des fois, ça tombe le 22, c'est dépendamment, officiellement. Ouais. Dépendamment quand est-ce que la Terre est drette, parce que l'équinoxe, en fait, sur le saucisse... Ah non, c'est l'équinoxe, c'est ça. Si la saucisse, je veux savoir la suite la de cette phrase. La saucisse. OK. c'est l'équinoxe. La saucisse d'hiver. Oui. 8h08. Oui. Ça réchauffe dans nos cœurs. C'est faut que tu la passes dans l'eau chaude. OK. Pour qu'elle soit bien enflée. Vous êtes gris, voix. Oui, on aime ça. Non, c'est mon chandail qui est gris. Oui, voix. Ah. Voix. Mira. Et comme on parle d'hiver, vous êtes givrois. Oh. Oui, givrois, c'est bon. Oui. Je préfère quand même l'autre job. Oui, en fait, je vous présente des chansons à prendre au second, troisième et 26e degré. OK, donc pas de mitaine ici. Exactement, parce que vos cœurs vont être réchauffés, mais il ne fondra pas parce que vous allez garder votre cœur d'enfant à la fin de la chronique. Cool. Et là, pour la première chanson, j'en ai trois. On va danser. En fait, cette chanson-là pourrait paraître insultante, mais dans le fond, il y a raison. C'est que la chanson s'appelle « Les Blancs ne savent pas danser » de James Dino, qu'on va écouter. Mais c'est sûr que vous allez oublier les paroles qui sont jugées offensantes et vous allez dire « Ah oui, c'est tellement bien, ça me rend de bonne humeur. » On écoute ça à la langue dans ton oreille? Oui. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Mike, c'est Jackson. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. Les blancs ne savent pas danser, le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Les blancs ne savent pas danser, je suis pas raciste mais faut être sensé. Quand ils bougent sur la piste, ils sont trop coincés. Hors tempo, raides, ils sont comme des robots. Mais j'insiste, le ballet dans le fion c'est pratique. Bah si, pour faire les poussières sur la piste, on fait le ménage, c'est le feu, c'est le feu. Check, check, James Dino rentre dans le jeu. Au bar, c'est la danse suivante. Aussi bizarre que cela puisse paraître, mais pas celle du Maghreb en Algérie. Celle qu'on danse dans les pistes ou à Paris. Ma petite sœur Dolores Colori m'a fait gollerie avec ses conneries d'euphorie pour les corps et de l'ori. Quand y a du bon son, faut se lancer, même si les blancs ne savent pas tous danser. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. Tout le monde, c'est faux. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Mon père était Claudette. Mon oncle Albert était majorette. Norbert, mon cousin, fait des claquettes. Pendant que ma grand-mère danse sur la tête, t'es-tu dans le break? Aïk, laisse-moi kiffer la vibe. Ce soir ici, c'est black and white. Quand y'a du bon son, faut se lancer, même si les blancs ne savent pas tous danser. En Europe, il fait froid, les gens sont rigides, donc ils broient du noir. Les blancs sont frigides, mais dans les fêtes en Afrique, c'est de la joie. Et à beaucoup plus de chaleur et de foi dans le pas. Plus de spontanéité et de lâcher prise. Mais tellement plus de crise. Ici, les gens sont méfiants. Personne ne parle à personne. Et tout le monde a l'air méchant. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. Tout le monde, c'est faux. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Usher est un monstre, mais il copie les pas. Les chorés de Matt Pokora, mec, avoue que c'est la honte. Mais bon, c'est comme ça. Matt Pat Corée, c'est le roi. Et pareil que James Brown faisait du plagiat. Imité John Travolta et puis sur la map mon. Dis-moi combien de Renoir savent danser la polka. Rock underground, conçu pour la fête. Mec, si t'as rien dans la tête, tu peux faire ton boys band. Si t'as la petite gueule nette de Justin Timberlake, les blancs se la racontent, mais danse comme personne. Suffit de regarder Jackson. Mec, et tu dis les chorés de Kamel Wally. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. Tout le monde, c'est faux. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. On dit que les noirs savent tous danser, mais c'est faux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 13. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Les blancs ne savent pas danser. Ça va être... C'était Les Blancs ne savent pas danser de James Dino. Oui, pas Jimmy Dean. Non, James Dino. C'est le gars qui fait les saucisses et les hamburgers congelés. C'est Jimmy Dean. Exactement. C'est pas lui. Puis il ne faut pas comprendre non plus avec Les Blancs ne savent pas sauter. Non, ça c'est un film avec Jimmy Dean. Puis les saucisses, ben, c'est évidemment le même qui fait les saucisses d'hiver. Oui. Le saucisse d'hiver. Ça apprenait des gens qui ont le sens de l'hiver. Faire des saucisses d'hiver. C'est un nouveau slogan. Je connais pas, mais j'aime ça. Oui, mais c'est François Pires. Ah bon. Je me demande qu'est-ce que ça goûte des saucisses d'hiver. Le congelé. Oui, c'est froid. C'est froid. Ah ouais. C'est froid. Et avec mon œil de linge. Oh, Normand Bratoit pour réchauffer ça. C'est ça. C'est avec son œil de laser. Oh. Dans le fond, je comprends bien, ça marche. Les saucisses d'hiver fonctionnent mieux au four micro-ondes et au laser infernal de Normand Brathwaite. Voilà, c'est résumé. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire venir en studio? Du budget. Du budget? Pas assez grand pour sa tête enflée? Non, c'est pas, y a pas de tête enflée. Ah, c'est pas fin. C'est pas vrai. C'est pas grave, on t'aime pareil, Mathieu. Bon. Et la deuxième chanson que je vais présenter, j'hésite parce que deux chansons. OK. Donc, l'autre, je crois que c'est Rita Rita. Oui, j'ai ça. Oui, est-ce que vous savez qui est Rita Rita? Ben, d'après moi, elle s'appelle Rita. Oui, non. Pas, c'est la femme de mon oncle qui s'appelle Serge Serge. Quoi? Elle fait des chansons? Serge Rita. Elle aurait pu s'appeler aussi Rita au carré. Oui, ça aurait été... Rita fois deux. Ou... Non, en fait, c'est pas un duo de sœurs lesbiennes incestueuses, oh! mais qui s'appelle Rita et Rita. Mais en fait, Rita Rita, c'est le début de carrière de Maryse Letarte. Ah. Oui, parce qu'elle s'appelait Rita Rita dans le temps et vraiment univers kitsch assumé. En fait, ça, c'était avant qu'elle s'en aille à Los Angeles pour suivre des cours de musique et pour devenir l'auteur, compositeur, interprète qu'on connaît bien ou qu'on connaît pas du tout. Et si vous connaissez pas Maryse Letarte, allez chercher en... allez dans un disquaire. Sortez dans toute votre roche. Ouais. Oui, s'il vous plaît, cessez de faire votre tranguille et devenez un papillon épanoui musicalement. Oh. Hey, les jokes de papillon, on a fait tantôt. Ben oui, je pense que c'est subliminal. Sûrement, c'est sur ta tasse, il y a des petits collants. C'est pas des collants, c'est comme des genres de... Moi, c'est des collants doux. Caoutchouc. Mais des collants doux. C'est comme un calembour, mais un calembour. Ouais, exactement. C'était fait clencher par un papillon, Jean-Philippe. David est en train de flatter le papillon sur la tasse. Tout simplement. Ouais. Il est tout doux, plus doux que tes mains. Gay visuel! Oui. Ah non, j'aime mieux le papillon finalement. C'est ça, Rita Rita, elle a sorti une chanson qui s'appelle Je suis down. Le clip est kitsch, la chanson est kitsch. Vraiment, ça prend au 20 millième degré, mais la chanson est déprimante. Ça raconte une fille qui s'est faite laisser par son chum. Donc, c'est une toune qui peut être déprimante, mais c'est tellement quétaine et dérisoire que ça va juste vous rendre de bonne humeur et heureux. Elle s'appelle Je suis down, je m'attendrais pas à quelque chose d'up la vie, mais si tu me dis qu'elle va me mettre de bonne humeur, allons l'écouter. Oh oui, c'est tellement cucu la praline que. C'est une expression que les Français disent pour dire que c'est kitten. Ah. Ah ben, comment cucu la praline? Oui. D'accord. J'ai couru pour les prendre. suis down, down, down, down de Maryse Le Tartre. Je veux dire de Rita Rita, pardon. Même chose, pareil au même, en fait. Oui, exactement. Rita Rita, c'est un peu... comment je dirais ça? C'est un peu... c'était un petit peu ça, Lady Gaga, je peux dire ça. C'était... Ouais. Ben, Juan, t'es allé voir sur YouTube son vidéoclip pour la chanson qu'on vient d'entendre? Si, Mathéo. C'était magnifique, hein? Ben, écoute, c'est... Magnifique, hein? C'est magnifique, quoi. C'est, écoute, il y a une émission là, à Musique Plus. J'écoute pas vraiment Musique Plus, mais tu sais, oh non, c'est, je pense que c'est Louis-José Hood qui faisait ça. Oui, c'était de la clip. De la clip, et non pas la version plus récente, le Cryptoman, que moi j'aime pas. Là, mais ouais, c'est ça, je pense que je confonds les deux. Cryptoman, celui où il analyse par-dessus la vidéo. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est vraiment c'est celle avec de la clip. Ah oui, écoute, ça existe encore? Non, ça existe plus, okay. Mais ça aurait été, juste pour dire que ça aurait été vraiment un vidéo qui aurait pu très très bien fitter dans de la clip. Exact. C'était kitsch, c'était très rock et belles oreilles par moment, parodie, on dirait. Oui, mais c'est ça, on dirait, écoute, tu vois ça, tu dis ça, c'est sûr qu'ils ont fait une parodie de ça. Rock et belles oreilles, il faudrait re-regarder les séries. Est-ce que tu nous envoies ça sur Facebook? Sur les Facebook? Facebook. Je te fais ça live. Là. Merci. Oh, et des fois, c'est tellement quiétonne que ça nous met de bonne humeur. C'est ce que je disais. T'sais, c'est des trucs à prendre avec un grain de sel. Ouais. Êtes-vous plus heureux, Jean-Philippe et Mathieu? Oui, facilement. Ouais. Ouais. Tant mieux et bien. Notre troisième chanson, vous la connaissez. Si vous écoutez la chronique, c'est sûr que vous connaissez la troisième chanson. Ben, justement, parlons-en de cette troisième chanson parce qu'on va imbriquer ça dans ta chronique, La langue dans ton oreille. Par contre, ça va être son propre segment indépendant, un peu comme je le fais d'habitude à Assemblage Rookie. Oh oui, voici les paroles des autres. We'll be right back. C'était Nuit d'ivresse d'Erita Mitsuko en version live. Oui, acoustique en fait. En effet, ça faisait changement de l'intro de ta vraie chronique. Ce qui aurait dû jouer, c'est pas grave. C'était pour faire changement, c'était pour faire différent. C'était pour nous faire découvrir. Voilà, parce qu'on voulait pas faire jouer la même chanson que vous aviez entendue au début de la chronique quand même là. Hein? Et non, c'est ça. Ce qui est bien dans cet album-là, en fait, l'album live, c'est qu'il y a un duo avec Dr. Doc Génico, qui est un rappeur qui a été très populaire en France et paraîtrait que maintenant, sa carrière va plus bien parce qu'il a pu être trop Nicolas Sarkozy. Donc, peut-être que quand t'es... C'est un chanteur français qui appuie un petit peu la droite. Il paraît que ça passe mal, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça. Il faudra approfondir le sujet. Je sais pas qu'est-ce que François Landry, notre expert en politique, en pense. Tu as peut-être raison là-dessus, mais à l'inverse, c'est aussi vrai. Dick Rivers, le chanteur Dick Rivers de nos mères, là, oui, Dick Rivers, oui, appuie ouvertement le Parti communiste français et on n'entend plus parler. Puis que à la gauche, c'est aussi vrai. Et c'est là qu'il a commencé à faire des bons albums. Dick c'est Rivers, qui fait une grande carrière francophone sous le nom de Pénis Rivière. Oui, donc la chanson, en fait, je pense que dans son nouvel album, il y a Saucisse d'hiver dans son album. Bon, c'est possible. Callback! Oui. Merci, David Ferron. Ben, ça me fait plaisir. C'est fun quand on fait un callback d'une chronique qui vient d'avoir lieu et non pas de v'là une heure et demie. Oui, on la comprend encore. Nous, on est des comme ça. C'est de même. Je t'ai-tu conté mon histoire de la marmotte? Non, c'est l'histoire de la lundi. Callback de 2 jours! David Ferron, on te retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h dans la chronique La langue dans ton oreille. Oui. Et t'allais aussi brancher le monde les dimanches soirs. Oui. Parle-moi en plus. Ah oui, il faut que je parle. Rabais, ben, je laisse. C'est résumé rapide. Je vais laisser Gustave présenter parce que toi. On l'écoute. Alors, Brancher le monde est une émission qui traite de musique et d'actualité locale et internationale. Et c'est diffusé à C'est fou, 89.1 FM, tous les dimanches de 17h à 19h. Soyez à l'écoute, car le monde est dans vos oreilles. Wow, quel voyage extraordinaire. C'est super. Au retour de la pause, Gustave, dis-nous qui va être là. Il y aura l'expert en politique, François Landry. OK, merci. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Le plan de demain à Assemblage requis. Ah, en fait, c'est lundi. On va accueillir le président de la Lutte avec une nouvelle chronique improvisation. Laurent Constantin nous donnera son opinion dans un autre voyage au centre du campus. Et Maxime Tanguy nous proposera de la musique pour étudier dans J'étude le temps. Pour une chronique, c'est un jeu de mots. J'étude le temps. On m'habitue. C'est lundi à Assemblage requis dès 6h30 en direct à 7h30. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour à Assemblage requis en ce jeudi 19 septembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ouh, oui. Dernière émission de la semaine. Oui. On s'en rappelle pas parce que la semaine a passé tellement vite. T'as vu, c'est ma première. Complète. Première semaine complète en 3 semaines. Ouais. Il y en a raté une la première, deux la deuxième. Ouais. Moi, le jugement, il aurait dû en rater 3 la troisième. Oui. Mais le gars n'est pas constant. Non, je suis comme ça. Comme un gicleur. Les se les mains en avant. Jésus! Oui, mais c'est parce que je viens de les laver, il faut que je les sache. Ah, c'est bon. C'est tout simplement. On voit mon poisson dans la face. Ah, ils sont propres. Ils sont propres. Donc oui, c'est toujours Assemblage requis. Et comme vous le savez, un habitué du jeudi, le gars n'a pas changé de place depuis un bon moment. C'est la seule constance, à part moi, je dirais, dans cette émission-là. J'espère que ça va continuer de même. Hein? C'est pas vrai, t'as changé de case horaire. Il y a ça. Depuis, mettons, 3 ans. Mm-hmm. Mettons. Mais là, même cette année? C'est sûr que j'ai encore changé. Oui, t'as raison. Mm-hmm. Ouais, au moins, je suis là. Ouais, au moins. Voici Logocratie sans. S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel. Gangster. Royal. Gangster. Soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va bien? Oui. Oui. Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va-tu bien, toi? Ça va. Good. Ça va. Des fois, je fais des... Mais d'habitude, c'est hors onde. C'est sur sa fin, là. Ouais. Oui. Ouais. Il y a eu pire que ça, hein? Ouais. Comme quand... Je me reconnais même pas quand je me réécoute. Comme co-animation, en effet. Ouais. Garçon qu'on a diffusé tout le temps, c'est comme deux fois plus gênant. Ben oui. N'est-ce pas? Donc, François Landry, chronique politique, Logocratie 101, comme à chaque semaine. Oui, monsieur. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ton sujet porte le nom de Commission Charbonneau, de 10 points, des Hells au PLQ. Oui, mais en t'écoutant ce matin, je dis, il y a peut-être confusion. Il a confusé, oui. Ouais. Mathieu aurait confusé, mais de par ma confusion à moi-même, parce que je t'ai pas envoyé les trois petits points qu'il fallait insérer dans le titre. Ou c'est des Hells, Commission, petits points, Charbonneau. Au PLQ. Ah. Parce que je vais parler des Hells dans un premier temps et du PLQ dans un deuxième temps. C'est des Hells et ensuite des... OK, oui. C'est pas des Hells dans non, le Non, on passe de A à B, non pas A dans B. Parce que j'ai reçu des menaces ce matin, des Hells qui ont dit « Non, on n'est pas membre du PLQ, toi, là. » Oh! C'était pas clair. Non, c'était pas clair. Non, excuse-moi, Mathieu. C'est pas grave. Excuse-moi, je te demande pardon. C'est non. Ça, le couteau dans ta porte. Oui, puis le salon de bord de la porte. Oui, c'est ça. Oui, donc, je vais parler de la Commission Charbonneau parce qu'on sait c'est une commission assez intéressante. Oui. C'est notre télé-réalité quotidienne. Quoique, depuis les dernières semaines, c'est en huis clos. Donc, on peut pas rien savoir de ce qui se passe là-dessus. Sur Twitter, les journalistes disent juste « Ça commence, ça finit. » C'est la pause, on s'en va faire pipi, puis on revient. Ils peuvent pas dire autre chose. Mais juste avant, on parlait des Hells Angels. Donc, ça a mis la table sur quelle sera la thématique de la commission pour la session automne. Et pour la session automne, TV Hebdo nous dit que on parlera des Hells Angels, comment le crime organisé a infiltré les partis politiques, non pas en étant membre, mais en étant pourvoyeur de fonds, pourvoyeur de champ d'intérêt, d'orientation, de mise en chantier. Et... C'est être membre à leur manière. Oui, finalement. voilà. C'est être sympathisant d'un parti politique, être, argentier, peut-être. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va aussi parler de la dans la commission du Parti libéral du Québec. Parce qu'on sait, ils ont été au pouvoir de 2003 à 2012. Et le crime organisé et les enquêtes, entre autres de Alain Gravel, donc le grand Manitou de la vérité au Québec, a dévoilé que le PLQ était peut-être mal financé, corrompu. Il y aurait eu de la collusion. Là, je parle au conditionnel, parce qu'il n'y a encore aucune preuve. C'est pas des accusations. Non, pas d'accusations. On présume. Mais il y a des accusations qui seront portées. Prochainement, je vais en faire part dans la deuxième partie de la chronique avec une ancienne ministre. Okay, là, ça commence à être... Oui, on la connaît, puis on la trouve assez jolie. On en a discuté. Oui, Mathieu. Il y en a bien là-dedans, les jolies, non? Non, comme ministre, il y en a une. C'est ça. Puis, elle l'est plus. Okay. Plus jolie. Plus ministre. Elle est plus ministre. D'accord. Elle est encore jolie. 3 points. Oui, voilà. Mais c'était quand même une grande dame. C'est pas juste sa beauté, elle était une grande dame. Mais bon, elle est allée voir un show de Céline Dion, et elle l'aurait pas dû. Ben, tu vois, moi, déjà, tu perds un point si tu vas voir un show de Céline Dion. Mais bon. Et voilà, c'est pas, peut-être pour ça qu'il n'y a plus député. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, on va commencer avec les Hells Angels. Les chers Angels. Les sœurs Angèle. Les chaises à siège Angèle. OK, parfait. Okay, je vais continuer, puis trouve-toi d'autres jeux de mots plus faciles. Les relations incestueuses entre les syndicats de la construction et le crime organisé sont au menu à l'automne, à la commission Charbonneau, pardon. La procureure en chef, Sonia Lebel, a indiqué qu'il est nécessaire d'examiner la vulnérabilité des syndicats à l'infiltration par le crime organisé. Donc, eux autres aussi peuvent être infiltrés. Donc, c'est comme le PLQ. On ne sait jamais qui sont les membres ou les sympathisants ou les pourvoyeurs de fonds. La commission s'intéressera notamment à l'intimidation et à l'extorsion pratiquée sur les chantiers, parce qu'on sait qu'il y a toujours des fiers à bras, il y a toujours des cassages des foulages de chevilles, et des poutres qui peuvent tomber du 6e étage, comme par hasard. Des accidents de ski. Ouais, voilà. De même qu'à la présence de motards criminels, c'est-à-dire les Hells Angels, puisque c'est eux autres qui avaient le monopole au Québec, dans l'univers syndical. Entre autres, au tout début, il y a un enquêteur de la SQ responsable du projet Diligence. Non pas comme dans Lucky Luke, les diligences, mais vraiment faire ça vite. Alain Bello, qui a témoigné à ce sujet. C'était très intéressant. Ceux qui ont écouté l'émission Omerta à l'époque. Oui. Ça joue encore à prise 2, ça. Oui, c'est vrai. Oui, avec le dernier homme d'honneur, ou je sais pas trop quoi. Jean. C'était pareil. Alain Bello... résumait comment ça fonctionnait, un full patch, puis comment ça marche, la hiérarchisation des motards. Puis c'était pareil comme dans Omerta 2. Wow. Tu sais, avec David Lahaye, là, qui est motard, puis Bruno Pelletier, qui fait un chanteur qui se fait assassiner. Ah, ouais. À prise 2, on a vu ça. Donc, l'enquête diligence avait mené au dépôt d'accusations d'extorsion, de blanchiment d'argent et de gangstérisme contre un présumé membre des Hells Angels, Norman Marvin Wimet, qui aurait tenté de prendre le contrôle du secteur de la maçonnerie à Montréal. Non pas les francs-maçons, mais de la maçonnerie. C'est les francs-maçons, c'est une autre chose. Et non pas Éric Masson non plus. Non, lui, c'est un gratuit de guitare. C'est ça. Oui, voilà, pas un gratuitement. tu m'influences trop. Le procès de Wimet de ses présumés complices n'a pas encore eu lieu. On sait que le système de justice au Québec est très lent. Deux des accusés ont déjà plaidé coupable, par contre. Donc, ça pourrait accélérer le processus. En étant coupable, tu as une peine moins grande. Hein? Fait que c'est un petit truc, messieurs les voleurs. Déclarez-vous coupable, finissons, on tourne la page, puis on recommence ailleurs. Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont capté de nombreuses conversations impliquant Jocelyn Dupuis, l'ex-directeur général de la FTQ Construction, aujourd'hui accusé de fraude pour avoir réclamé des remboursements de 100 000$ en frais d'un repas en l'espace de 6 mois. Wow! Il mange, il doit peser 800 litres. Non, c'est un pic. Il doit en avoir du homard, là. Du champagne, devait couler à flot. Du homard et des ramards. Non, c'était pas les deux pour un au Tim ou quelque chose en même qui allait. Non, les petits coupons à gratter non plus. Donc, les leaders syndicaux de la construction pourraient être forcés de répondre de leur lien avec les membres des Hells et de la mafia devant la commission. Les élus locaux peuvent souffler, par contre. La couronne nord de Montréal, on a vu plusieurs maires soit se faire démissionner ou quitter ou se faire accuser. Ou se faire pointer du doigt dans la rue. Donc, parce que c'est dans quelques semaines les élections, donc la commission va dire, on va vous laisser souffler, là. On s'intéresse plus à vous pour le moment. Là, on tourne la page, on quitte Montréal, on quitte Laval, on quitte la Couronne-Nord pour s'étendre au Québec. Donc, c'est là le croquant va s'en venir parce que qu'un maire de Terrebonne se fasse accuser, who's the fuck? Big deal. C'est qui, lui? Ouais. C'est qui? Parce que là, quand on va parler du PLQ, là, on va être heureux, là. En parlant du PLQ, une perquisition s'est déroulée dans la plus grande discrétion dans les bureaux du siège social du PLQ à Montréal au mois de juillet dernier. Vous en avez entendu parler? Non, c'est ça, il y avait d'autres choses. Il y avait le lac mégantique. C'est ça, exactement. Un petit détail de même. Mais c'est normal qu'on n'a pas entendu parler parce que Philippe Couillard, selon l'avis de ses conseillers, a dit « t'en parles pas ». Ce que le monde ne savent pas, ça n'existe pas. Garde sa mort. Garde sa mort avant d'être. C'est un jeu de mots avec les mains entrées. Ouais, voilà. J'essaie de pas en faire trop souvent. Non. Tous les regards étaient alors tournés vers le lac Mégantic, comme on disait. C'était Pauline Marois qui avait le beau rôle là-dedans. Mm-hmm. Donc, elle pouvait tout faire. Les spots. Voilà. Philippe Couillard voulait pas trop s'exposer au cas où que journaliste déterre l'affaire. Et l'affaire a été déterrée. Ça a été fait dans la plus grande discrétion, contrairement à Montréal. On se souvient quand la SQ, la police, avait débarqué à Montréal avec des gyrophares, les chars ont investi littéralement le Parlement, l'hôtel de ville. Puis ça avait fait la une pour dire qu'une descente, qu'un coup d'État à Montréal. Bon, tu sais, tout qu'est-ce que le journal Montréal peut rapporter. C'était vraiment faramineux comme descente, mais pas pour le siège social du PLQ. Il y a 2-3 employés qui ont dit « Oui, on était au courant, on les a aidés, puis that's it, sans plus. » Une fois l'opération terminée, le mandat de perquisition a été mis sous scellé pour empêcher quiconque de voir son contenu. C'est une pratique de plus en plus courante pour pas nuire à l'enquête. Parce que si on voit qu'est-ce qu'il en est, il y a des personnes qui peuvent être visées dedans, de la documentation. Donc, des fouineux ou des journalistes peuvent dire « Ah, telle personne, que telle personne peut prendre ses clics, ses claques, s'en aller tout de suite, donc partir. » Donc, il a été mis sous scellé, sauf que deux grands médias ont demandé à la Cour suprême d'autoriser l'ouverture de l'enveloppe pour voir qui. Parce que les journalistes veulent savoir qui. Ils veulent traiter de qui. Ils veulent pointer du doigt. Quitte à s'excuser par la presse. Ça arrive aussi. Donc, ces perquisitions s'inscriraient dans le cadre d'une enquête de l'UPAC. On s'entend que c'est l'unité permanente anti-collusion sur la question du financement politique illégal. Rien ne permet de savoir qui sont les individus visés. Officiellement. Officieusement, on sait c'est qui. Puis, je vais vous le dire. OK, wow. On en parlait tantôt, une ancienne ministre assez jolie qui n'est plus là, qui voulait faire un retour, qui ne fera pas de retour finalement. Nathalie Normandeau. Okay. C'est elle qui serait... Oui, Google Images, Nathalie Normandeau. Oui. Okay. Hein? Oui. Bon, c'est qui maintenant? Oui, bon. Mais on est d'accord sur la personne. L'apparence. Oui, entre autres. Devant la commission Charbonneau, l'an dernier, l'ex-entrepreneur Lino Zampito, celui qui avait été applaudi, là, à tout le monde en parle, comme un héros, alors que c'est un criminel, on s'entend, oui. Tout le monde l'applaudissait, donc avait témoigné sur sa participation à certaines activités de financement impliquant le PLQ, dont les fameux billets de spectacle de Céline Dion sur les plaines, des roses que Nathalie lui avait envoyées pour le remercier, Merci de m'avoir donné bon tout ça là. Lui, il avait donné des billets de spectacle. Elle, pour le remercier des roses, on s'entend qu'on... En tant que gars, une tape dans le dos, ça ferait un job. Ah! Ben, bon, ça, c'est mon opinion. Hein? Non, ben pas romantique. Non. Après ça, tu peux les ramener à la maison. Après ça, tu peux les ramener à la maison en disant, ben, c'est moi qui t'ai acheté ça. Là, c'est tout cas qui prend le mérite. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Donc, il avait éclaboussé au passage diverses personnalités politiques liées au Parti libéral, dont notamment Nathalie Normando, Lynn Beauchamp, l'ancienne ministre de l'Éducation, l'ancien organisateur Pierre Bibeau, le mari de Lynn Beauchamp. Hey, Limbo pis Bibeau! Limbo! Limbo! Limbo Champ. Limbo. Oui, oui. T'as le droit, t'as le droit. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans ta tête. Limbo! Et aussi Violette Trépanier. Elle, c'est l'ex-ministre responsable du financement du parti. Donc, M. Zampito avait même évoqué le lieu du siège social du PLQ dans son témoignage en parlant d'activités de financement politique qu'il avait organisées pour Nathalie Normando en 2008. Cette soirée avait remporté 110 000 piastres. C'est quand même du cash. M. Philippe Couillard, qui est le nouveau chef du Parti libéral, a d'abord commencé en déclarant qu'il ne ferait aucun commentaire sur la perquisition pour laisser l'enquête suivre son cours. M. Couillard affirme qu'en son temps, les informations pertinentes seront rendues publiques. Donc, on va laisser retomber la poussière. Mais ce qu'il ne savait pas, M. Couillard, c'est que dès le lendemain de cette déclaration-là, lui-même se faisait interpeller par la SQ. Mm. Hier matin, pour ceux qui nous écoutent jeudi, M. Couillard a été interrogé devant un bon café par deux agents de la SQ, non pas du DGE, là. Donc la SQ. Quand c'est la SQ qui enquête sur toi, ça veut dire que tu as peut-être un dossier à quelque part. Donc dossier criminel, dossier... On ne sait pas la teneur du discours non plus. Donc, Philippe Couillard, tout point de presse après pour dire « Oui, oui, oui, j'ai été rencontré par la SQ. » Il n'a pas caché ça. Parce qu'à un moment donné, si ça ressort plus loin, ça pourrait faire d'autres vagues et surtout la suspicion des rumeurs, des cancans et tout le kit. Et donc, c'est un début de session très difficile pour le Parti libéral du Québec qui voulait vraiment monter aux barricades pour dénoncer la Charte des valeurs québécoises. Contrairement à la semaine dernière, on n'entend plus parler de la Charte. Parce que justement, là, tous les médias sont rivés sur Philippe Couillard, le Parti libéral, parce que c'est encore bien plus croustillant de savoir qu'un premier ministre potentiel peut être mis au banc des accusés, ou du moins des témoins. Parce qu'il n'était pas là à l'époque, mais il a déjà été ministre de la Santé. Donc, il pourrait avoir des comptes à rendre à ce sujet-là. Aussi, on sait toujours le rôle... Les députés du Parti libéral sont toujours très solides, très solidifiés entre eux autres, très solidaires. Dès qu'il y en a un qui trébuche, tout le monde trébuche ou personne ne trébuche, ils cachent ça. Tandis qu'au Parti québécois, quelqu'un éternue puis on le dénonce tout de suite. Hein? Ouais. On l'a encore vu cette semaine, Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a critiqué lui-même le Parti québécois alors qu'il est député du Parti québécois. Mmh. Ça, c'est la sauce propre au Parti québécois, c'est normal chez eux. Mais au Parti libéral, c'est très rare qu'on se dénonce entre nous. Le plus grand esprit de fraternité entre... Voilà, la famille, hein? Oui, oh, oui. Hein? Oui, oh, oui. Ils ont appris. C'est un beau lien, ça. Donc oui, la famille libérale se tient solide, c'est serré. Mais hier, cette semaine, Norbert Morin, un député purement inconnu à mes yeux, à moi, s'est dit devant la caméra fâché que Couillard ne l'ait pas informé qu'il y avait eu perquisition. Donc, même les députés n'étaient pas au courant qu'il y avait eu perquisition au siège social. Et là, juste le fait que lui ait sorti ça, un peu reconnu, ait sorti ça, ça fait dire aux journalistes qu'il y a un malaise au Parti libéral, à savoir, on est peut-être visé finalement. On a peut-être fait de croche, quelque chose de croche finalement. On ne sait pas, fait qu'on a les fesses serrées, mais... Quand on se promène les fesses serrées, à un moment donné, on commence à stresser un peu, puis ça commence à... Ça fait des ballonnements. Ça commence à être juteux. Hein, je parle de sueur aussi. Oui. Non, gars. Okay. J'enlève mon ha-ha-ha. Ouais. Ben non. On le coupera au montage. Okay. Mais tout ça pour dire que, oui, au Parti libéral du Québec, on commence à être extrêmement nerveux ces temps-ci parce que la commission ne fait que recommencer. Mm-hmm. Et là, on va s'en prendre sûrement au parti politique. Et qui dit Philippe Couillard rencontré dit nécessairement Jean Charest aussi. Mm-hmm. Ça, on ne le sait pas encore. Jean Charest n'est plus dans le portrait politique. Mais si le chef actuel, qui n'était pas député à l'époque, est rencontré, on s'en doute. Hein? On peut lancer des suppositions comme quoi Jean Charest, l'ancien premier ministre depuis 2003 jusqu'en 2012, a été aussi interrogé. Ça, on ne sait pas. Je pourrais dire que Dieu seul le sait, mais bon, on est rendu statatoire, donc seul quelqu'un le sait. C'est ça. Et je termine avec deux petits sondages. sondage qui a été fait avant, juste avant les révélations au Parti libéral, on voit que la lune de miel de Philippe Couillard est déjà estompée. C'est déjà fini, ça. Donc, le Parti québécois récolte 30 % des sièges. Des votes, c'est-à-dire une hausse de 1% par rapport au mois d'août, donc c'est très, très peu. Puis on s'entend, ça prend 32% pour former un gouvernement minoritaire. Donc là, il est à 30%, fait que c'est sur le bord. Parti libéral, 35%. Encore? Ah, pas pire, il est plus haut que le Parti québécois, mais une chute de 5 points depuis un mois. Ça, c'est avant la révélation de cette semaine, donc ça pourrait encore continuer à dégringoler. Parti québécois qui fait du surplace, PLQ qui dégringole, la CAQ, vous allez dire, il est en hausse. Oui, 1%. Lui est autour de 21%, donc lui, c'est son plancher ou son plafond, peu importe si on est maçon ou pas. C'est il stagne, là. Et Québec solidaire, lui, passe de 7% à 11%. Donc lui, il monte. Il monte parce qu'il n'y a rien à se reprocher. À chaque fois qu'on entend du mal des politiciens, on ignore toujours si Québec solidaire existe parce qu'on n'entend pas parler. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux autres qui passent inaperçus. Et un dernier sondage sur la charte. La semaine passée, Mathieu, je t'avais dit, j'en parlerai pas de la charte parce que tout le monde en parle. Oui. Puis bon, on était déjà tanné d'en entendre parler de cette charte, de cette chose de la discorde au Québec. Juste un petit sondage pour voir est-ce que on a raison, toi puis moi. Puis Jean-Philippe, je t'inclus là-dedans. Puis, j'espère, sinon, on surveille ton poste. Moi, surveille ton poste, c'est ce que je veux dire. À savoir, est-ce que les Québécois, est-ce qu'ils sont fait vraiment favorables à la charte? Et un sondage qui a été fait par QMI, donc Québécois Média Information, et un autre sondage que j'ignore la source, qui est venu corroborer le premier, c'est vraiment kiff-kiff. Okay. C'est 43% des Québécois l'appuient, 42% la rejettent. Donc, c'est la vie est de même, la vie est kiff-kiff. Ouais, c'est tout le temps partagé à 50 cents. C'est un 25 cents. C'est ça. Tu as deux choix, t'as pile ou t'as face. Ouais. Fait que quand vient le temps de prendre un choix, t'as le choix pile ou face. La reine ou l'orignal. Bon. Fait que pour la charte, on a choisi l'orignal pour un puis la reine pour l'autre. T'as bien choisi parce que aussi je prendrais l'orignal. Fait que si tu prends la charte, tu prends la reine. Non, au contraire, la monarchie c'est un signe ostentatoire, c'est Dieu. Ah. Fait que ça doit être le chevreuil. Ouais. Parce que la reine devrait être le chevreuil, vice versa. La reine devrait être le chevreuil. Oui. Si seulement on pouvait changer les lois. Ah, une grosse couronne sur la tête, un gros panache. On a juste à faire une édition limitée du 25 cents. Voilà. Deux chevreuils. Limité, oui. Ouais. Très limité. Je vais aller gosser ça dans mon bureau limité tantôt. Intellectuel. Avec un exacto, là. Oui, aussi. Donc, la dernière division aussi serrée remonte en 95 lors du référendum sur la souveraineté du Québec où c'était à 50-50. On se souvient, il y avait 40 000 voix de différence sur 5 millions d'électeurs, de voteurs. Donc, c'était vraiment minime. On s'entend, là, il y a eu un recomptage. Donc, voilà, il y a 57% des Québécois qui disent pourtant croire que le dépôt d'une charte cet automne était une bonne idée au mois d'août. Ça, c'était 57%. Là, c'est rendu à 43% quand ils ont vu c'était quoi la charte. Ça a pris un mois pas mal dropper. Hein? Fait que les élections générales cet automne, on peut mettre ça peut-être éventuellement, quoique conditionnellement, sur une tablette. Ah oh, ouais! Fait que tu changes tes prévisions, prédictions? J'ai jamais changé. Voyons donc. Non, tu disais pas que c'était éventuellement. Éventuellement, voilà. Okay. Je parle au conditionnel. C'est pas une timeline encore. Non, écoute, je suis assez futé pour dire que je vais parler au conditionnel pour des élections générales. Okay. Il pourrait y avoir. Hein? Ouais. Il pourrait. Mais je ne croirais pas. Pas en ce moment. C'est pas un bon moment. C'est ça. C'est pas un bon moment. La semaine prochaine, peut-être, ça va revirer de bord. Puis je vais te dire oui, parce que d'autres choses. Philippe Couillard va être accusé ou n'importe quoi. Oh. Ben, ça, on verra. Seul la juge Charbonneau va s'entre ses mains s'il y a des élections ou pas. Et seul François Landry pourra nous en parler. Pourra. Hein, on parle au conditionnel. Pourrait. Ouais, conditionnel. Si. C'est arrivé. Si ma grand-mère avait des roues, elle serait en autobus. Mais elle est morte, fait que c'est pas notre truc. Mais c'est parti. C'est devenu dark un peu. Hein? Ouais. Tu peux, là. Merci François Landry. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, jeudi à 8h30 pour notre chronique Logocratie. On parlait de la reine qui devrait être un orignal. Donc voici Panache et Petit Pain. Pas le choix, là. Panache, comment? Ouais. Autant on parle de sortie, hey, on réinventera pas la roue. La roue. T'es pas très bon en ronde, pas meilleur en ronde non plus. Ben écoute, on s'essaye. C'est ça. Mais maudit. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. De retour à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Oui, tu commences à aller mieux. Ta voix sonne mieux que dans un pub qu'on vient d'entendre. Ça va mieux. Je peux aussi prendre une voix comme David Ferron et faire « Ici Jean-Philippe Charbonneau ». Non, ça, c'était pas mal plus professionnel que la voix de David Ferron. Mais bon. Donc oui, toujours à Assemblage requis. Bon, il est rendu quoi? 8h57, Jean? Oui. On commence un petit peu l'heure à l'avance parce qu'on est trop on a trop hâte d'entendre parler des sorties de Joanie Gagnon. Voici, alors on sort. Salut Joanie Gagnon. Salut, ça va bien? Très bien, et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors on sort, non pas alors on sort, comme j'ai dit tantôt, alors on sort. Alors on sort. Sir. Alors on sort, à la française. Général, mon capital, mon caporal. Mon capital, oui. Mon capital vendu. Oui. Seigneur. Wow, Seigneur, oui, mon Seigneur. Mon Seigneur. Joanie Gagnon. Oui. Oui. On parle d'art et spectacle, on parle de sorties à faire dans les prochains jours, semaines? Oui, dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Et tout d'abord, il y a Brothers, qui est un hommage aux Black Keys. Vous connaissez de Black Keys? Oui, oui, cool. Qui vont être au Nord-Ouest, donc ce soir, jeudi le 19 septembre. C'est 5$ à la porte et c'est à 21h. Donc pour les amateurs de blues rock américain. C'est de foutrement Black bon. Oui. Tu sais que chante Gold on the Ceiling. Oui. Et Lonely Boy. Les gens les mélangent avec White Stripes, c'est comme le contraire. Ah ouais? Ouais. Ben tu sais, c'est comme il y en a un qui s'est nommé en hommage à l'autre, je pense. Ah, je sais pas. Black Keys, White Stripes. Ouais. Ça se pourrait. Sinon, pour ceux qui auraient envie de voir des films, il y a le cinéma Le Tapis Rouge, qui a toujours des bons films à l'affiche. Mmh. Et cette semaine, il y a La Maison du Pêcheur, qui est un film québécois, avec Luc Picard et nul autre que Kevin Parent. Oh! Oh oui! Mais aussi, je parle du Tapis Rouge parce qu'il offre aussi des expositions. Et l'expo en cours cette semaine, c'est Objets cinéma, photographie de David Lafont. Donc, on dit que les enfants, dans l'ombre du réalisateur, il existe une armée de créateurs et d'artisans passionnés qui utilisent dans la pratique de leur métier une multitude d'objets et d'accessoires et d'outils essentiels à la création d'un film. Et donc, c'est Dominique Lafont qui nous propose quelques moments captés derrière la caméra. Donc, ça peut être super intéressant pour ceux qui sont intéressés par la photographie. Donc, c'est toutes des photos tirées du livre générique qui est aussi en vente au cinéma. Le Tapis Rouge, pour ceux qui veulent aller voir ça. Belle place. Oui. Sinon, je vous en parle tout de suite, c'est du côté du Gambrinus. Ça va être mardi le 24 septembre, donc mardi de la semaine prochaine. Le Gambrinus, tout près de l'université. Irish Bastards qui vont être là. Intéressant. C'est ça, oui. C'est 8$ à la porte et c'est à 21h. Donc, du côté du Gambrinus, c'est folk traditionnel irlandais. Oui. D'après moi, il va falloir arriver tôt. Ça va être rempli. Oui. Et c'est à la mode en ce moment, les groupes avec Irish dedans. Il y a Irish Moutarde aussi en ce moment. Oui, il y a aussi les Lucky Charms. Lucky Charms. Oui. Et d'ailleurs, sur leur Facebook, c'est écrit. C'était un peu tiré par la guimauve, ça. Ouais, je sais. J'ai des histoires pas de punch, moi, cette semaine, là, c'est terrible. C'est vrai. Ouais. Et oui, d'ailleurs, sur leur Facebook, c'est écrit un show à boire absolument. Boire! Oui, wow. ça risque d'être arrosé. Sinon, tout autre ordre d'idée, pour ceux qui veulent profiter du plein air et des derniers moments de l'été, parce qu'on sait que l'automne arrive très bientôt, le 22 septembre. 22 finalement. On se l'a demandé tantôt. Ah, c'est ça. Oui, officiellement, c'est toujours très tight entre le 21 puis le 22. Des fois, c'est le 21, des fois, c'est le 22. C'est le 22. Donc, c'est ça, le Parc national de la Mauricie, c'est un parc tout près de Shawinigan. Donc, ils nous offrent des sentiers de randonnée. Vous pouvez arrêter au Belvédère, faire du canot. Ça va être super beau, compte tenu des pieds, des feuilles qui tombent, des feuilles de couleur. C'est beau l'automne. Oui, ouais. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur leur site, pcgc.ca. d'aller avoir plus d'informations. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai entendu récemment? J'en parlais hier au Mathieu Planchot. Mercredi, à 16 ans. Qu'il y avait Google Street View Maps, ce truc, qui sont venus prendre le parc national de Mauricie. À l'intérieur, oui. Uh-huh. Ça va sortir sur Google Street View. Tu vas pouvoir aller voir, visiter ça. Mais allez-y en vrai, pour vrai. Ben oui, ben plus beau en vrai. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis ça sent pas les bonnes feuilles. Ouais. Moi, j'aime ça l'automne pour sentir les feuilles. Et puis ramasser les feuilles, puis tu sais, t'es mets dans un livre, puis là, oui. t'es oublié, puis là, oui. t'es broie, puis tu sens ton smoothie. Oui. J'aime tellement ça. Sinon, toujours à Trois-Rivières, il y a le musée Borealis qu'on connaît tout le monde, mais ça peut être intéressant pour les étudiants, pour ceux qui viennent d'arriver dans la ville. Donc, c'est situé dans l'ancienne usine de filtration d'eau de la Canadian International Paper. On peut aussi dire CIP. Je voulais vous montrer mon accent. C'est beau. Donc, c'est ça, c'est à Trois-Rivières. C'est un ancien lieu industriel qui est transformé en centre d'histoire et... Entre autres, vous allez pouvoir fabriquer votre propre papier et accéder à une magnifique tour d'observation. Mmh. Et plus encore, vous pouvez aller faire un site sur leur site web qui est le www.borealis3r.ca. Moi, je suis allé cet été et c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. La visite guidée, là, ça vaut vraiment la peine. Ça t'a pas ennuyé? T'étais pas Borealis? Borealis? Ouais. Non, j'étais plus... Enjoy Alice. J'ai aimé Yalice. Oui. Que de jeux de mots. Mauvais. J'ai apporté mon petit bout de papier que j'ai fait. Ça fait un bout de papier? Ben oui. Ah. Ça fait partie de la visite. C'est très, très amusant. T'as pas écouté, Mathieu? Oui, non, mais oui. Oui, en fait, oui. Mais je savais pas que toi, t'étais capable de faire ça. Je pensais qu'il fallait plus de temps que ça. Non. Bon, c'est pas sorti pas par tout ça. Sinon, aussi, on reste dans la lignée des musées, mais cette fois-ci un peu plus différent. C'est du côté de Montréal, c'est le musée du rock'n'roll qui présente sa 5e édition sur la thématique des années 60. Cool. C'est au Club Soda, c'est vraiment cool, j'ai découvert ça. C'est ce samedi, le 21 septembre. Ça commence à 19h et c'est 15$ à la porte. Donc, c'est ça, c'est un complexe multiplateforme où le style musical des années 60 est présenté sous toutes ses formes. Il va avoir... Ça va être présenté sous toutes ses facettes. Le visiteur est invité à vivre une expérience à 360 degrés au sein de cet univers. Donc, c'est ça. Ça va être plein d'espaces qui vont être dédiés aux différentes composantes du rock'n'roll. Moi, en autant, tu sais, les années 60, c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y aura pas genre Éric Lapointe ou ce que les gens appellent du rock. Exactement. Non, c'est exactement. Pas vraiment du rock du tout. Moi, je sais pas. Quand on parle de rock des années 60, la seule affaire que je pense, puis je sais vraiment pas pourquoi, c'est une pointe de pizza. Mais tu sais, mettons plein de pizza avec vraiment un fromage qui s'étire pendant que tout le monde écoute du rock. Je sais vraiment pas pourquoi. Ça doit être dans un film. Là, peut-être les diners, genre où il y avait des lait frappé et de la grosse pizza. Puis des patins à roulettes pour les serveuses. C'était le fun, ça. C'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque. Ouais. Comme ça, on y était. T'sais. Oui, c'est ça. On était jeunes. Comme c'était hier. Oui. Sinon, on continue toujours dans le rock. Lien de la mort. Éric Lapointe, justement. Non. On est en studio. Wouhou! Avec Rock Voisine, toutes les affaires rock. Dans le fond, ça va être le retour du concours de band L'Omnium du rock au Dagobert à Québec. C'est une 10e édition déjà cette année. Donc, ceux qui ont le temps d'aller voir ça, ça va être dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre. Il va y avoir plusieurs rounds. Et ce soir, ça va être Our Darkest Days contre Prohibition. Pour ceux qui veulent aller voir ça, c'est à 21h et c'est 8$ à la porte. Génial. Et C'est Fou est partenaire avec l'Omnium du rock. Oui, tout à fait. Disons-le. Et puis, c'est quand même un festival qui... je sais pas si on doit catégoriser ça par festival. Peut-être concours est mieux, mais qui est quand même très, très long. Ils se déplacent, ils font ça un peu comme un duel de hockey entre Québec et Montréal. Donc, t'as vraiment Québec qui fait sa finale, puis c'est en alternance tout le temps, et Montréal qui fait ses concours aussi. Puis à la fin, ils font la rivalité des deux gagnants entre Montréal et Québec. Okay. C'est pas comme le système des braquettes genre au basketball. C'est plus comme le système, mettons, l'Omnium, je pense que ça doit être le tennis. Tu disais hockey, mais c'est pas mal. Ben, en fait, c'est plus pour la rivalité hockey avec Nordique canadien, je pense, qui ont voulu recréer ça. Puis l'Omnium, ben, j'imagine qu'il y a... Ben, moi, en tout cas, je trouve que ça va être très, très bon. Ça va être... Ah, t'es solide comme du rock. Merci. Froid ici. Oui. Ouais. Sinon, je termine en vous parlant, c'est toujours à Québec, c'est le lancement du groupe The Spleen, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ils lancent déjà leur deuxième album qui va s'appeler Together and Free. Ça se passe au Petit Jean Plein. Ça va être ce jeudi à 20h, donc c'est ce soir pour ceux qui prévoient être dans la capitale nationale. Le billet est à 22,17 $ pour les étudiants. Donc, je vous propose de l'écouter un extrait, All is Done, qui est sur leur premier album. On écoute ça pendant que moi, je me retiens de ne pas faire un jeu de mots sur le petit, tu as dit comme le petit Jean Plein, on dirait, les petits Jean, les petits, c'est des nains avec un gros ventre. Les petits Jean Plein. Je note là. Désolé. All is done, there's nothing else to say. Passion is gone, the shades of dirty gray. Any break to chase the sunlight. It's not a dream, it's a man walking tonight. It's hard to hide nobody by your side. Now you're c'était All is Done par la formation de Spleens. Au pluriel, c'est bien ça? Oui. Ou de Spleen? Non, de Spleen. De Spleen. Spleen. C'est quoi un Spleen déjà? Ouais. C'est une description, c'est un Spleen, hein? C'est un. Ouais, y a pas une toune de. Oui. De Caïman Fou? Non. Non? De. Je reviens avec ça. C'est un. Ça dit un organe abdominal qui participe à la production des cellules sanguines. Je pense pas que c'est celui-là. Deuxième, c'est mauvais tempérament. C'est ça. C'est un mauvais tempérament. Spleen. Bon. Steffi Choc. Ok. Je combat le spleen. Cool. Ça doit pas être le seul non plus. Non, ça doit pas être le seul. C'est un beau mot. Spleen. C'était dans la chronique Alors on sort avec Joanie Gagnon, qu'on remercie beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Et de rien, et qu'on retrouve jeudi prochain à 9h. Oui. Mm-hmm. Toujours assemblage requis, 9h12. On s'en va entendre Navert avec ta cadence. Pas pire, ça? Je ferai pas la joke cette fois-ci. C'est laquelle déjà? Navet. Navet. Navet. N'avait aucune idée, ça. N'avait pas. On n'avait pas en stock. Une chance qu'on a fait assez de bons moments dans le début de l'émission pour faire des bons moments. Ta cadence à assemblage requis sur C'est fou. 9h15 minutes. Tantôt, on a parlé de spleen, Jean-Philippe. Oui, puis on savait pas c'était quoi. Non. On était là, qu'est-ce que c'est? Puis, j'ai traduit en anglais tantôt, c'était boboche pas mal. Oui, mais là, tu as la définition en français. La voici. Spleen, un sentiment profond mêlant ennui et lassitude de l'existence, défini à travers plusieurs poèmes par Baudelaire. Voilà, tout simplement. C'est beau, ça a de l'air beau, Baudelaire. Donc, sachez-le et ouais. Ce soir, pluguez-le. Spleen, dans une conversation spleen. De même. Ah, oh, aujourd'hui, spleen. Oui, sans explanation. Ouais, spleen. Comment ça l'expliquer? Ouais. J'avais dit qu'on avait assez de bons moments pour aujourd'hui. Fait que... Ouais. Moi, avec ce malaise, je vais peut-être partir vraiment vite. Je vais faire spleener mes roues. Oh! Vas-y là, va-t'en live. Oui, c'est en ça. En ondes. Ça serait parfait, hein? Oui, claque la porte. Okay. OK. Parce que moi, d'habitude, on finirait l'intervention, je pluggerais une chanson, puis partirais parce qu'il y a des affaires à faire, parce qu'on déménage en ce moment, c'est fou. Bye, Mathieu. Bye, Jean-Philippe. Bonne journée. Bye. Claque la porte. Claque. Yep! Ah, c'était beau ça! Donc, maintenant qu'on est seul, Jean-Philippe, il est si mauvais aujourd'hui, sérieux, ça va là. Non, c'est blague! Ok, il entend plus. Il n'y a plus d'eau parler en dehors du studio, fait que je parle en beurre. C'est comme si je faisais de la radio en beurre pour nous autres. C'est ça, on va continuer tout de suite en musique. Il nous reste vraiment pas grand temps à l'émission. On a eu comme 3 chroniqueurs encore aujourd'hui. Émission bien remplie, on a presque pas joué de musique. Donc, on écoute Lila Dissa. Voici Haiku Girl. Ça, c'est fou. 89 FM. Puis Jean-Philippe, là, sérieusement, hein? C'est pas ça qu'il y a à entendre. C'était Braids et la pièce Fruined à Assemblage requis. Et c'est presque la fin de l'émission d'aujourd'hui. Oh oui, et la fin de l'émission pour cette semaine. Donc, pour commencer, je vais remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. David Ferron, François Landry, Joanie Gagnon, évidemment Jean-Philippe Charbonneau qui était là pas mal toute l'émission. Lundi, on aura parmi nos chroniqueurs la Luitre. En fait, de façon plus générique, la Luitre, là, ça va être tout le temps quelqu'un de différent chaque semaine, mais on va débuter cette nouvelle chronique d'improvisation avec la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ensuite, Laurent Constantin qui va nous donner son opinion dans un autre voyage au centre du campus. Maxime Tanguay va nous proposer de la musique pour étudier dans J'étude temps pour une chronique. Donc, ce sera lundi à l'émission entre 6h30 et 9h30. Je vous rappelle qu'on est en direct à partir de 7h30. La première heure est une rediffusion de l'émission d'avant. Donc, d'aujourd'hui, dans ce cas-ci. Restez à l'écoute. À 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour à 15h avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès Sifo édition complète. À 19h, ce soir, ce sera 13e étage, émission d'électro-jazz éclectique. Et puis, finalement, à 22h, c'est M ta nuit avec du rock planant. Donc, allez voir sifo.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Retrouvez-nous sur facebook.com/assemblagerequis, twitter.com/assemblagesifo. Les informations sont toutes sur le site de toute façon. On va se quitter avec une dernière pièce du côté anglophone. Ce sera la formation Rara et leur extrait à Twinnies qui figure sur le palmarès anglophone. Bonne journée. Bye bye. Salut.